Je me souviens quand j'étais petit, Papa Noël m'avait demandé de toucher son zizi. Il m'a enculé sévèrement, m'a giclé dans la boîte à caca. Si je le recroise, j'inverse les rôles. Je lui déchire le cul avec mon anaconda. Négro, je veux une bitch pour Noël. Je veux une bitch pour Noël. Et si elle est pas belle, je lui refais le visage à coups de pelle. Le Père Noël est partout. Dans ma rue, il y en a au moins 50. Tous des putains de clodos. Je leur fais avaler des boules de pétanque. T'as soif et froid, fils de putain? J'ai du sperme bien chaud pour ta glotte. Triste réalité, Papa Noël n'est qu'un clodo avec du pinard dans sa hotte. Offrir des cadeaux, c'est chiant. J'envole dans les magasins de manière furtive. Oui, je suis un putain de radin. Ça vient de mes racines juives. J'ai des souvenirs tellement amers. Starfoula, ça me fout en colère. Comme la fois où je voulais une PS2 et qu'on m'a offert une gazinière. Connasse, ça t'amuse? Un boulot de femme, tu crois que c'est ce que je veux faire? Je vais cuisiner ta chatte à la sauce blanche. Dis voilà, je vais te faire la misère. J'ai une orage intense qui m'habite, donc je rôde dans ma ville à la recherche de la moindre guirlande lumineuse, ce genre de déco débile. J'y mets le feu, je me coupe les couilles et j'écris avec mon sang. Je retourne chez moi les boules qui pendent, j'émets des sons effrayants.